¿Aló? Excusez-moi, je ne sais pas. Il faut demander toujours, hein? Excusez-moi, je ne sais pas. Voilà, il y a un Il retour faut ici. demander toujours, hein. Il y a un retour. Chers amis, désolé, je suis en train d'arranger quelque chose ici. Je ne sais pas. Il y a un retour. Il faut demander toujours, hein. Chers amis, désolé, je suis en train d'arranger quelque chose ici. Voilà. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Je ne sais pas s'il y a des amis qui me suivent, mais sur YouTube, la même chose. Il faut que je vérifie. Excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. En attendant que j'arrange. La situation sur YouTube. Les amis sur Facebook. Est-ce que tu as une bami OEP sur YouTube? Ce qui tu as une bami OEP sur YouTube, s'il vous plaît. Signalez-moi. Est-ce que Bazo l'a bien? S'il y a des amis qui sont à la maison et qui me suivent sur YouTube aussi, Facebook sur YouTube aussi, est-ce que, signalez-moi, est-ce que vous me captez bien sur YouTube? Tu as ça, c'est qui? Delema Roi Roi. D'abord, ton nom, Ezoye Banate, Kombo Nayonani. Alors, Kende Konika. Voilà. Non, je demande, cher ami Gilles Mwanda, je demande, est-ce que si vous êtes à la maison, peut-être vous me captez sur YouTube aussi, signalez-moi, parce que. De moi-même, je ne sais pas vérifier ce qui n'a Zali bien capté sur YouTube. Souffrez, hein, que j'arrange la situation. Ok. Voilà. Voilà. Voilà, je pense que ça va. Voilà, merci. Je suis bien capté aussi sur YouTube. Merci. Merci. Allez, désolé, désolé, ma caprice, il y a technologie. Et maintenant, comment on s'appelle Makamba Congo, ce sont des histoires qui sont privées. Makamba, vous ne pouvez pas déranger le secrétariat pour Basaïla. Voilà pourquoi Nalina a toujours. Naloba toujours, il faut que vous soyez polyvalent. Il faut que vous soyez polyvalent. Et là, il faut savoir qu'on bricoler à Tamouké. Et voilà, merci. Merci et désolé pour moi tant aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est samedi. Ah, ici, hein, bon, là-bas, chez vous, en Europe, Europe, Amérique, et puis Afrique, vous allez vendredi. N'a pourquoi. Biso koto, tout ça déjà samedi. Voilà. Merci, Toye, pour la macambambo canabiso. Moi, je dois chatter très exact parce que tout ça qui n'a pas comme ça, là. Lelo, tokolobe la titre nabiso, topesi yango. Faut-il respecter un président escroc? Je sais que bah, Nicolas Bissot a mis le vore, bah, déjà, bah, voix, là, bah, titi, là, bah, nganzi, mais malheureusement, pour ça, les lois même, bah, oh, bah, sur place, bah, la capacité à ta moquette. Bazan la capacité à ta moquette. Peut-être que bah, ça a bien un téléphone. Non, non, on a vendu la Corée. Na ye billet. Tout ce qui ça y est, à Komona. Bako Sarabino. Bako Sarabino. En tout cas, banda na ya na mboko yo, ce n'est pas pour na ko se vanter. Na moma otozali. Personne. Na zolo ba bien. Personne. Na katia bango nyonso. Ako yiko telema devant Monsieur Yombi. Bako yebi sabino na ba telefone. Ah, yo mtu vandi kuna ndenge nini mtu wana ndenge nini bozo tika lo baboy. Ah, tuko sala boy, bazo ko sabino. Parce que d'abord, un place nga na zali, place nga na zo kende, ba place nga na kendaka, c'est milouvor bako yati. Même si ba ye, bako tele mana musika. Bako tele mana musika. Alors, c'est inutile, hein? Il semblerait qu'on a cherché milouvor moko na kore, ba pesa kaye 2000 dollars. Aluka moyen ya ko déstabiliser monsieur Yombi. D'abord avant de déstabiliser monsieur Yombi, il faut avoir un visa. Faut avoir un visa et kemba. Ba visa humanitaire hein? Parce que la plupart ba milovor ba zana ba visa humanitaire. Même la personne qui a informé ba ndekone ba milovor na Londres que non, monsieur Yombi na yebiye azala cuisinier. Cet égard qui est arrivé ici na Corée a sali déjà, je pense, 35 ans na Corée. A sali 35 ans na Corée. Mais azana visa te. Il a un visa humanitaire. Visa humanitaire, ça signifie quoi? Ça signifie que, bah, yo ke lio mawa, moye ba peso mukande zate, ba peso yo visa moko, oyaka ko renouvelé chaque après une année oyaka chaque après une année oyaka ko renouvelé alors ce qui makambo e bongi na mboka na yo bakokanga yo bala moko bazongi si yo na loba yango peut-être na expliquer excusez-moi na expliquer déjà que ba visa humanitaire ce sont de visa où ils allaient stable été ba pesi yo parce que na mboka na yo problème ezali mukolo bako remarquer que problème ezali souté bako tout na yo te so lingi ko zonga na mboka na yo. Mais le réfugié reconnu, ou baza na mokanda réfugié reconnu, na mboka kore ba benga bango ba F2. Donc so moni na carte na ye ba koma F na 2, ça dépend maintenant, ils ont la F2, F2 bar 1, F2 bar 5, F2 bar 3, wane za ba dépendant. Alors, résidence, ils ont na F5. Donc, ceux qui ne déconnent pas, ils vont avant d'aller en Corée, tout n'a pas visa, ils allaient lettre ni. Alors, ils sont côté, ils sont j'ai demandeur d'asile ou bien visa humanitaire. Alors, le monsieur là, Azali na visa humanitaire. Et Mikolo, il y a keba keba, parce que, je pense que c'est un visa humanitaire, wana na tango ya Kabila. Et maintenant, balobi bon, bino boza batwa y depes. Balobi kuna président aza mutu ayi depes. Alors bozonga bazana keba keba moindre erreur ba profiter kaka na erreur wana na keba wana osali pour que ba mbale yo bazongisa yo parce que le visa humanitaire ba kotuna yote. Voilà donc ezaki ma parenthèse. Question na biche ezali faut-il respecter un président escro? Nazomona batu ebele ba milovor non respect na président ozo respecté été bon moi lokola ona uti ko bloquer kala mingi te alobi zo ba ya professeur Vous respectez le président Abissoté. Mais avant, respect est réciproque, hein? Respect est mutuel. Alors, président Oazo, qu'on respecte le peuple Naïete, président Oazo, respecte Mboka Naïete, Oazo mérite respecter. Alors, bah, Oazo, le baoyebi politique, t'es naïbité. Je suis politologue. Nazali politologue. Et Zali politologue, Yassimanda, Koutende, Bomona, qui université, Fachi, Félix Tshisekedi, Nakabeya Kamwanga. Université Zali, département, il y a droit, département, il y a police, sciences politiques, Nyon, c'est Zali, Nakabeya Kamwanga. Université Félix Tshisekedi, Zali. Tomoni Bango, pe Bana Bato, Jina, ba étudiant, Tomoni Bango. Et Bangwana, Baya, Karoyoka, moi, je suis juriste, moi, je suis comme ça, moi, je suis un radical. Alors, au moment du diplôme, moko mbuya zo sa elango, ilunga zo sa elango, muteba zo sa elango, chatumba zo sa elango, mwamba zo sa elango, mbuya zo sa elango, kazadi zo sa elango, ngala muluma zo sa elango. Diplôme moko kawana. Alors, et président oyo azo respecté ba peuple na yete, pays na yete, ba koki azo mérité respecté. Lelo oyo toye pona juste minute moke. Na tout na quelques questions. Naibi que tu okota la makambo etali dialogue, consultation. Bon, ça va aboutir na dialogue. Bon, moni déjà ba sango, déjà ba bandi au coma déjà. Na tendance ya dialogue. Slogan ya Tshisekedi Banda et Etienne Tshisekedi Mulumba, le peuple d'abord. Naye awa pona ko expliquer li susu makamba peuple te n'expliquer ki on a deux vidéos et landi slogan na bango ezali le peuple d'abord elinge lo banini elinge lo ba avant ye a se servir avant ye a joa il faut nanu a servir peuple eza lokola ba mama na kati ya ndako mama so alambi vous allez remarquer que mama ko servir nanu bana ako servir nanu bana ako servir papa. Alors, ce qui papa peut mutu alambi, à quoi servir nanu bana, à quoi servir nanu mama. Et ye na sima. Vous allez remarquer que mingi mingi ba mama batu bazalaka na bizaleli wana. Mama zo lamba silisi na ye, elle a servi. Bino bo bandi ko lia, mais ozomona zo luka toujours non a sukula sani, a sukula nzungu, bo lia na zo ya, bo lia ka, bo banda na zo ya. C'est toujours comme ça ba mama. Alors, slogan ya peuple d'abord pour que vous compreniez mon sens où on est ba maman na kati ya ndako. Maman na tango azo lamba, elle sert d'abord ba membre ya famille na kati ya ndako. Hier on a rejoindre bino na table na sima. Ya ba maman ko tu er moko bo bandi déjà, bozo bele la ye, ya ko lia na zo ya na si sa nanu loko yo na zo lia na sala nanu boye. Le peuple d'abord, il faut bo considérer ango na ndenge wana. Alors, mais Tomonaki yango na ba slogan banda ça fait 37 ans balobaka toujours que le peuple d'abord et lelo oyo na lobaki yango que Satana asalisi akoteli Kabila pour que apesa ba pro le peuple d'abord apesa bango pouvoir total asikoyo. Est-ce que vraiment bazali batu oyo ya peuple d'abord ou bien ezali lokuta ezali escroquerie? Nazali koloba yango parce que ba congolais tozali ba catégorie ebele. Il y a des bon ba congolais kakate ba humain. Il y a de ces humains qui comprennent rapidement. Ezana ba humain musu ba comprendre kama lembe. Ezana ba humain musu ba se préparer déjà kala po a comprendre te. Même na kati ya classe totani saka bana classe bazala toujours ndenge wana ba catégorie wana ezali. Ezali na bana classe o ba comprendre ka directement dès que zoloba bazo comprendre. Et mususu ba comprendre si makure si ya kena ndako akere voir a comprendre. Mususu il faut bo landaye na sima ba collègue na yebe étudier ba landaye pour ba expliquer ye pour a comprendre. Vous voyez, ezali ndenge wana même na kati ya pays. Alors, biso tozali batu oyo to comprena ka mbala moko. En fait, en ce qui concerne la politique, to comprena ka mbala moko. Nous avons compris que de par Etienne Tshisekedi wa Mulumba, azalaki un escroc. Etienne Tshisekedi wa Mulumba était un escroc. C'est-à-dire, azalaki un opportuniste, moto azalaki na étoile. Mais au fait, Azalaki vraiment politicien ya soloté. Azalaki un escroc, objectif naïe, Azalaki kozwa pouvoir. Mais tellement Mobutu avait compris que collègue naïe, Tshisekedi wa Mulumba, Azalaki un escroc, par la suite, Laurent Désiré Kabila comprenait qu'il tangwayaki, il a d'abord dit ça, d'ailleurs, lui-même il a dit ça, groupe aventurier, aventurier dans Mobutu. Et Laurent Désiré Kabila Longwe et au commandant Joseph Kabila a compris aussi que Étienne Tshisekedi Mulumba était un escroc. Alors, mais maintenant, bon, même si Bazali escroc, Oumeli Mingi, n'escroquerie na bango, Kabila lobiti kana bimise escroquerie na bango na poissa. Ndenge bato o bakenaka église, balobaka, nzambe a bimisaka makam susu na poissa. Alors, vous savez que même na Bible, ba o batanga Bible, ebi, à un certain moment, Satan va sur la canne Nzambe pour ba meka bato. Et je pense que Nzambe a demandé à Satan, Moutou Oyo Etienne Tshisekedi Mulumba na famille na ye, bazali be escroc. Mais bazo se faire passer le kola bazali ba avocat ya peuple ya Congo, bato na tchana Congo. Alors Nzambe a demandé na Satan, est-ce qu'il n'y a pas moyen Oyebisa mutu na yo Kabila ameka a utilisé famille Tshisekedi pour que peuple nanga bayeba que famille wana batielaki mutema bazali be escroc bazali batu penza ya nzambe te bazali batu oyo bakoki koloba na kombo ya peuple te bazali be escroc ezali ka famille na bango moko te baza ba famille ebele natangaki na ba video mibale oyo eleki. Alors, Satan a accepté et Satan a utilisé son envoyé spécial au Congo qui est Kabila. Kabila a dit oui, na demande ya Nzambe, to meka mutuna biso, to zo meka ye. Mais, to ebi ki aza mutuna biso, mais, to satisfaire demande ya Nzambe. Alors, Satan a ye ko meka, a ye ko zoa. Na kati ya famille ya Tshisekedi, batu ba kenda klas bazali. Famille Tshisekedi, batu ba tanga bazali. Mais Satan a fait quoi? Dieu a utilisé Satan pour que Ayako Pona, juste le vrai, le grand Kiyungu, na kati ya famille Tshisekedi. Pour que molimo na bango ya mabe ebima na poissa. Misala na bango ya mabe ebima na poissa. Alors, Satan a fouillé na famille Tshisekedi, Ayako Zwa, le grand Kiyungu na bango. Oyo Tobengi, Félix Tshilombo, Antoine. Bapesi ye pouvoir. Mokolo to bapesa ki ye pouvoir, to mona ki mbunji mayi nyonso, kabeya ka mwanga nyonso, kananga nyonso, na kobina mutuashi. Ke Nzambe ayokeli biso pendant 37 ans, ayokeli biso, aye ko tia moko na biso. Me bayeba ki te kobina bazo bina en tant ke batu, na molimo ya batu. Spirituellement, bayeba ki te eloko nini ezali na nsima bayebaki yango te bato ebele babinaki mutuashi lelo bazo regrete pourquoi babinaki mutuashi parce que soki botali bien mbunji mai kananga nyonso Kasai occidental oriental nyonso ezali na nzala moko na ndenge kosakana te donc après Éthiopie basomalien toloba ezali Kasai bazali na nzala moko kosakana te ngamu nalobi yango te ezali programme mondial alimentaire. Programme alimentaire mondial, c'est comme ça on dit, je pense, en français. Alors, Nzalawan ezali makasi, après Éthiopie, Somalie, ezali Kasai na Congo. Et, ba, onyo, so, ba, bina ki mutuashi, lelo, bazo regrette yango. Luketu na bango, ba, zeka ki ya pamba. Et, Satan ye kope sa famille, tu sais, du pouvoir. Ba, oyo, ba, yebi politique te na Congo na biso, ba, bina ki, ba, sepela ki, oyo bayebaki te ke eza famille ya ba escroc lelo oyo sima-sima bazozonga malembe malembe kolanda biso kondima biso biso toyebisaki bino bokeba tozalaki parmi ba première personne oyo tosalaki ba video ya koloba ke mwana Tshisekedi oyo azali la personne oyo akoki kozala président de la république te mwana Tshisekedi oyo na moni na Facebook bato ebele bandeko s'il vous plaît botia mitema ebele mes amis botia mitema ebele parce que ba signe oyo bato bazotia kuna c'est pour pousser ke ba bloquer a vidéo na biso Le mien, les nôtres, et au Bazali Koulandabi, sur Facebook, même na YouTube, Botia Baker et Belé, ba like et Belé. Parce que dans mon esa concurrence, et Facebook a jugé juste na biloko. Merci beaucoup. Alors, Baye Kopé Sabango pouvoir, total à Siko, est-ce que les peuples d'abord au Balobaka, pendant 37 ans, Ezali ya solo ou bien Ezali Lukuta? Oyo amoni ki ezali lokuta akomake ezali lokuta avec des preuves. Kokomaka ate oza lokuta loba avec preuves. Nazo loba avec preuves. Preuve ezali ni. Nalobi ki tozali bato ya liboso akosala ba video loba ke mwana oyo Etienne Tshisekedi azali la personne oyo akoki kozala président de la République te. Okoki kutu kotya ye même surveillant école maternelle te. Akoki te. Parce que na mosika ndenge na bandai komonela ye nayebi ba compétences intellectuelles na ye. Azali ndeko na biso azali congolais, c'est vrai. Mais en ce qui concerne les compétences intellectuelles, ndeko na biso Félix azali inapte intellectuel. Ça, c'est vrai. Mutu moko akoki prouver nga le contraire azati. Ti ye soko ya na moment oyo, à moins qu'après, a cultivé, a meka ko développé intelligence na ye. Mais jusqu'à présent, ndenge na zolo baboye, Félix azali un inapte intellectuel. Mutu moko akoprouver nga le contraire azati. Mutu akoya koloba lokuta juste koloba lokuta sans preuve, sans évidence. Nga nazo pesa bino évidence. Vidéo na nga liboso na lobaki. Nazalaki parmi les premières personnes o na lobaki ke ba décision bazo ango boyete. Na kondanaki ba conseiller na ye. Na yebaki ba conseiller na yete à cette époque-là parce que ezalaki juste quelques deux semaines après ko pesa ye pouvoir. Na lobaki ba conseiller na ye ba enchaîné ye. Lelo bandeko ba kondana ki ngai pourquoi lobi ba enchaîner président lelo bazo pesa ngai raison mais lokola bazo pesa ngai raison na kati ya mitema lokola congolais andima congolais te congolais andima congolais na kati ya mitema congolais andima congolais na public boyete na yebi culture na biso c'est rare mona congolais akomisa ndeko na ye congolais congolais olinga ki akomisa ghanéen akomisa américain akomisa européen akomisa asiatique mais congolais akomisa ndeko na congolais te. Na lobaki yango ba enchaîner Félix Tshilombo. Na lobaki yango azali idiot. Na explika ki idiot elingi koloba nini. Lelo oyo bozomona na poisa. Ndenge na lobaki aza idiot, idiotie nyonso ezobima. Ndenge na lobaki aza inapte intellectuel, faiblesse na ye intellectuel pe ezobima. Alors, ba pesi ya pouvoir, le peuple d'abord. Eloko liboso tomoni asali nini. Aye kosala plan. Dirigeance abengi yango ya 100 jours asala ki yango te ake ko yiba e pa ya Kabila parce que ce plan là ezala ki plan laissé par Tshibala ake ko zwa yango a changé kombo et komi projet de 100 jours nazala ki parmi bato ya liboso les jours même a inaugurer ki programme wana ya 100 jours jour et landaki quelques heures après ngai na sala ki vidéo ezali. Na lobaki programme oya 100 jours ezali escroquerie. Na lobaki eloko moko ko sala mate parce que nga na yebi famille oyo ezali escroquerie baye piaka baye na mbongo te bazwa mbongo na lobaki mona utiliser ki Miss Girl parce que baye na pouvoir baye na mbongo te basala programme moko ya lokota d'urgence pour ba bimisa mbongo ba chana na poche. Na lobaki yango video wana bandeko oyo malandaka biso soyi bazali awa ils peuvent témoigner que c'est vrai na lobaki yango. Na monaki après quelques jours une semaine je pense na sala ki sto video mususu ya ko lobaki banzela o bazo tongela bino parce que bandeko na biso ba milovo ba bandeko ba tala ki chasse ndenge komi ki chasse komi Manhattan ki chasse komi New York ki chasse komi Japon ki chasse komi Seoul ki chasse komi Tokyo. Na lobaki yango par la vidéo que oyo bozomona peinture o bazotia ya mwindo na prince ezali couleur ya mwindo bazotia likolo ya zelo terme na utiliser ki yangwana bazotia couleur ya mwindo na zelo bozela mbula soki eye ngai na bino tokotuna na soki ezali asphalt ou bien ezala ki escroquerie lero to soki wapi banzelana ya mwindo bandeko na kishasa bozomona ngoli susu. Tomona ki be ingénieur ya de pes ba yaki awa. Ko finga biso ke yo yebi eloko moko te. Biso to yebi ndenge batongaka. Toza ba ingénieur civil. To yebi ndenge batongaka. Lelo ba ingénieur civil wana bakoma wapi. Ba bunga. Ba limwa lokola mungwa. Alors, balongwe na programme ya 100 jours na kati kuna ba escroquerie koti ebele ba maison préfabriquée ba biloko ebele ba chaki na kati scandale oya iko bima na maison préfabriquée mtu nyoso a monaki yango. Est-ce que batu oyo ba lité 37 ans pendant 37 ans pona le peuple d'abord ba koyiko sala biloko ya ndengo wana. Or non, Kabila azo empêché Félix a travaillé te. Kabila zali ko empêché Félix po asala musala malamu te. Bandeko, oyo bazo ndima biloko wana ke oui Kabila azo empêché Félix, tondimi yango, azo empêché ye te. Kabila azo empêché Félix ko sala musala te. E zali nde ndenge ba yokana. Tango mususu Félix, omoni kaka mboa, mboa suki obetiye, aleli akimi. Mbwa asala kanini, mbwa zonga kalisusu. Mbwa yoka kate, mbwa memo betie, alinga ayibe loko, o bambie libanga, agangi ya kimi. Kelke minute apre, mbwa oyako zonga lisusu. Se pare avec Félix. Félix basali deal na Kabila. Oyo batu bazolo bake Kabila zo empêche Félix, Kabila zo empêche Félix te. Félix nde azo bosa na ba close mususu, ba responsabilité ndenge ba yoka na. Yoko sala boye ngai na kosala boye na tango mususu Félix tellement souko amboye leki makasi azo bosana makambu ndenge ba yokana azali kozia kozwa makambu ya Kabila et pourtant ba yokana bongote yangona bande ko mususu bazomona ke non Félix ya Kabila azo empêcher Félix a travailler. C'est pas vrai, ezali mensonge. Kabila na Félix bazali mutu moko. Alors soki to lobby tokene na hypothèse tokene na approche ke Kabila zo empêcher Félix. Est-ce que na présidence de la République ezali pe Kabila mutu zo empêcher Félix pour travailler? Est-ce que Kabila mutu ayebisi Félix a engagé plus de 600 conseillers na présidence? Est-ce que Kabila mutu ayebisi Félix ba escroquer mbongo na kati ya présidence? Tokene na preuve ya liboso. Balobi pièce contre pièce. Koyi kondima ke mboka lokola Congo oyo ezali na crise, ezali na besoin ya mbongo. Mutu oyo aye na pouvoir azali mutu oyo ayuti na slogan le peuple d'abord. Koyi kondima ke na pays ya boye. Mutu wana koyi ko se taper un salaire de 625 000 dollars américains. Salaire ya Félix ezali 625 000 dollars américains. Ezali lukutate, ezali vrai, ba document nyoso oye outi na ministère de finance, ezali. Salaire ya Félix ezali 625 000 dollars américains. Salaire ya Kabila, na terme ya pension, Kabila zali na 8 millions de dollars na mbula moko. Donc na 12 mois, Kabila azali na salaire pension ya 8 millions de dollars. Lokola Kabila zala ki fonctionnaire de l'État, na tango sali o lekisi 25 ans ya carrière, il faut que na pension. Et pourtant, président de la République, ezali carrière ya fonction publique te. Fonction ya présidence, ya président de la République, ezali spontané. Mandat, ezali ya 5 ans renouvelable une fois. Ce qui aussi lisi mandat na yo, ok, vous n'avez pas de pension. Mais lelo oyo Kabila zali na pension ya mbula moko, 8 millions de dollars américains. Ce qui bozui 8 millions de dollars américains, bo divisé yango par 12, bozali à peu près na 680 000 dollars américains. Donc, Félix Azali na 625 000 dollars américains, Kabila Azali na 680 000 dollars américains. Donc, bo comprendre que tous ali ko nager na ba 1 300 000 dollars américains. Est-ce que beaucoup ko comprendre que mboka o ezali na crise, mboka o ezali na situation financière, mboka o ezali na crise économique, mboka oyo bato bazo souffrir, bato ko lia ezate, ko lata ezate, classe exacte, hôpital exacte, bâtisse exacte, salaire armé exacte, policier mal payé, professeur mal payé. Groupe ya batumi balé. Groupe ya batumi balé ou bauti na ba famille ya ba escro. Bakoki ko zwa kwa narke un pays. Bakaboli salaire, wana kuna 625 000 dollars, wana kuna 680 000 dollars. To soki wana te budget, soki bo lobi Kabila Mutazo empêche Félix pour travailler. Budget ya présidence, nan azo gere yango. Kabila Mutazo gere yango, bien Félix Mutazo gere yango. Na lobi na hypothèse que Félix Kabila a empêché Félix de travailler. À la présidence aussi, c'est Kabila qui empêche Félix de travailler. Budget na présidence de la République. Et Niko Loba, Mbongo Oeya Kanami Sala ya présidence. Pentir et baby, Mwinda et baby, ba remplacer. Mwanzele et Boukani ba remplacer. Et si Kamoko ezo souhaité. Ba changer tol. Moutoum président zo kende moi et si kamoko boye. Ba moi bilo karolia, moi sikre yal nga rolia mingi. Ba lamba, po alia. Budget ya présidence, fonctionnement, kosomba papier duplicataire, kosomba ba bic, kosomba fourniture de bureau. Budget ya président de la République, ezali na dépassement, ya 14 000%. 14 000%. Toke na hypothèse que budget ya présidence, par exemple, ezali na 1000 dollars. C'est un exemple que je donne. Ezali na 1000 dollars. Soki o komi na 2000 dollars, budget na yo ezali 1000 dollars, donc mbula mobimba, budget annuel. To bandi, par exemple, mokolo ba voter, yango to ba mokolo akota ki na pouvoir, ti data oko ki sa inane, na kati wana 12 mois mobimba. Budget na ye, par exemple que je donne, un exemple que je donne, ce qui budget na ye zala ki ya 1000 dollars. Ce qui mboule e sili nante, 12 mois e koki nante, yo o utilize deja 2000 dollars. Ce que budget wana ezali 200%. Ce qui aussi ici, nyon so 1000 dollars o sili si. C'est-à-dire o utilize 100% ya budget na yo. Ou utiliser 1000 dollars non ça va payer ça qui au pour ma camion ça président fonctionnement ma camion ça 1000 dollars aussi ici alors ba utiliser ka budget ndenge nini ba utiliser ka budget soki ba votant au lelo ba zui mbongo wana na banque centrale ba tiango na disposition na yo na compte na yo okozwa nyoso te okenda ngona ndako na yo na bureau na yo non e banda ko kende moke mois par mois. Mais bon, il y a une présidence en Afrique qui est ngolo fort. Présidence qui a sengi, il faut que ça soit la lobby. La présidence, il faut que ça soit budget qui a 1000 dollars par mois, par année. Bo pesa nga nyonso e vanda awa po na ya ko telemate nazana besoin ya crayon mbongo crayon esili bobimisi nazana besoin ya ba papier bobimisi te bobimisa mbongo nyonso 1000 dollars bo pesa nga yango. Donc na ko ya e pa na bino ce qui budget annuel et sili. Soki to komi na terme 12 mois et koki, na koya siko po bo voter budget ya mbola mususu e koya. Mais Félix kokota koti ba ebisi budget ya présidence yangoyo ezali autant. Kaka na mwa wana mbongo nyoso ba tielaki na budget abimisi nyoso ale. Asengi ya bondeli budget sili. Sikoyo na kufa nzala. Okufa te president. Bon, boba kisanga kasibi toluka mwa moyen bolukila nga mwa mbongo msusu ezate bon. Mbongo to bombaka. Oba ndeko na biso bato bako ngo babengaka ekonzo. Ekonomie ya famille. Na pays pe ekonomie ya bongo ezalaka. Babenga ngo réserve. Réserve wana ezali yango bomona ka bamboka ebele, okomona bazali na réserve monétaire ke a na kaya catastrophe tolo par exemple guerre mondiale ou bien situation moko ya environnement et komeli monde ezal ba mboka musu bazali na mbongo ibele bakoki ko résister même pendant 50 ans mboka loko la Corée du Sud réserve monétaire ya Corée du Sud na kaya catastrophe ya monde Corée du Sud, bah, qu'on a la 50 ans, bah, qu'on bonde la mbongo et pas y a moutouté. C'est-à-dire que bah, sali, bah, sali et belé, bah, bombi, en konzo et belé, économie pour n'amboka, bah, bombi. Oyo na kaya pépin, moi na zui fièvre na boutou, li kambo ye li biso na boutou, moi na zoki, moi na sali boye. To ke ne ko defa ye pa ba voisin te, mbongo na biso a réserve, zali to bimisa, to sali sali kambo ye li biso. Pays peza bongo. Na tango kabila atiki signature ake ko vanda na kingakati. Na mbongo wana ya ekonzo, oba benga ka ekonomi ya peyi na reserve. Kabila a laissé 1 milliard 200 millions de dollars. Il y a réserve. Mbongo na basimba kangote. Basimba kango soki likambwe ye ya mutuya. Boluki parsi parla ezate. Boboyi ko defa. Boki ko simba mbongo na basimba kango pamba te. Bije ya Félix na tango akoti na un mois silisi. Aye ko bondela. Bandeko mbongo bopesa kinga ina yeba kite tala kaka na koti ki president sango sika na yeba kite kezala ki bongo na jira na mesika mokote na jira na nubije mokote banda na botama na salimbula 54 na zalaka na ndaku na liaka mama lambi matamba na le ba lambi, mama mwanza lambi supa milu na meli alor na jira na nute bije oyo bopesa kinga ya president na yeba kite kezali pour ina nenga na kanisa yi kezali ya une semaine na sina silisi. Alors, banque centrale kuna ministre finance, président akufa te. Okufa te, président. Bon, bo baki sangayi, baki ko luka mbongo msusu ba yeba pesiye. Na reserve wana. Na tangwa yoki ke a kabila tika ki mbongo wa reserve, 1 milliard 200 millions de dollars. E kominze la amayi. A multiplier ba voyage par-ci par-là. A kende na Tchécoslovaquie mabe. A kende na Lituanie mabe. A kende na Ukraine mabe. A kende boy. E sike etika la yikaka na planète Mars po a kende. Nyon sona nini? A yoki ki ekuna na réserve kabila tika ki 1 milliard 200 millions. Lelo na moma oyotozo lo bangayi na bino. Mbon wana nyoso kabila tika ki na réserve. Félix a silisa yango nyoso. Ezalite. Alors, alongo wana toye ko koma makambo luka mbongo aluka stratégie po mbongo ebima coronavirus Fonds monétaire internet organisation mondiale de la santé OMS balobi bakobimisa 19 milliards de dollars pour ba soutenir ba pays sous-développés oyo bazali na ba kaya coronavirus Na Congo tozalaki nango te. So tozalaki nango, ekwayi koleka même bato 5 te. Eba yebana ki te. Mwana Tshisekedi wa Mulumba vanda te, ye alinga koyoka makambo mbongo te. Ye na ministre na ye eteni, ministre ya santé, ba ye kosala COP. Bakanga bato na makasi, bakomisa bango, ba maladi ya corona. Boyebi yango, maladi ya liboso ya coronavirus. Boyebi ndeko wana. Ndeko wana abima aloba azala na ye na corona te. Bakanga batu po bacha bango na centenaire po bayebisa OMS ke non na Congo pe coronavirus ezali. OMS pe avandaka te azumwa ndamba mbongo atindeli bango. Mikolo ndenge tozoba boye OMS azolela na munoko mboka. Tshisekedi bakosa ye. Bakosa OMS bakaya coronavirus ezali. Babimisi ndamba mbongo. Erezuma bazala ke mwa prudent. Babimisa ki mwa ndambo, babimisa ki nyon sote. Na tango babimisi mbongo wana, mwana ya chen tisekiri ya mulu mbazwi mbongo wana na ministre na neba le. Wapi batwa coronavirus oba kanga ki na centenaire. E azo mituple ba strategi nengo wana, nyon so wane zali, po, excusez-moi, po ba iskroke mbongo. Alors, maintenant, Amonike a échoué. Maintenant, ayebi ke ba yokana ye na Kabila na 2023 azongi sa pouvoir e pa ya Kabila. Ba yokana, ba dil na bango e komi ko bima. Mwana ya Etienne Tshisekedi alinko kufa ye mokote. Alinko kufa elongo. Ayeko bengisa consultation. consultation tozo mona bazo bengisa na ba ujana bazo bengisa na ba fazer bazo bengisa na ba wewa bazo bengisa to ebite ezali type ya consultation ni nazo loba yango nazo répéter ba consultation ezali ba sorte ebele il faut koyé ba consultation ni nos anango besoin. Ce qui est une consultation, il y a besoin, type de consultation, il y a besoin. Il y a un type de consultation, il y a besoin de nani. Il y a n'importe qui. Il y a n'importe qui. Tout le monde est un par exemple. Il y a un chèque, il y a un chèque, il y a un mais il y a un chèque, il y a un chèque, il y a un chèque, il y a un chèque, il y a un chèque, il y mais non, il fallait laisser ses enfants venir. Parce qu'il faut que les gens vivent dans les gens. Ils vivent dans les gens. Il fallait les laisser dans les gens. Parce que les gens vivent dans les gens. Ils vivent dans les valises. Ils vivent dans quelque part. Ils vivent dans les gens. Ils vivent dans les gens. Alors, na tango liko consulter bango, il fallait que tika bango na ba teni na bango ne bazala na balabala, ba ya omona batu ba mona ndenge bazalaka. Ben bandeko na ye bake ba sombeli ba fazer bilamba mbango mbango balati se bango. Po ba ya ko bima lokola bana o ba uti na ba famille normale. Et na lobaki na video o elandi, en réalité na ba consultation a boye, on consulte pas les enfants. Bazali bana. Bana bako yiko se représente bango mokote. Ce sont le parent qui représente bana wana. Loko la bana wana ba fazer, bazana ba parente, parent na bango liboso, papa na bango liboso ezali yo Félix. Mama na bango liboso ezali Denise. Est-ce que Félix, na tuna ki na video eleki, Félix a yebi ba fazer ndenge ba vivakate, balobi aza kinwate. A yebi ndenge ba fazer ba vivakate. A yebi ba bezwa ba fazer te. C'est abusé. Bana, koyana bana na ba consultation ya boy. E bana mususu bayaki na bango ba ujana. Il semblerait que tellement le ba ujana basala kana butu, Félix pe a consulté ki bango na butu. Bakutanaki. Alors to yebite bana bisona lokola bakutana boyebi Félix pe côté kuna vraiment azala ka calme te. Boyebi yango abanda ko to banda na famille. Azala ka vraiment kimia te. Mutu para moko ta koza la motema kimia lo ba ah, mwana mwasi kende konje pa papa le ki na yo bien papa kuluto na yo Félix o le ki sata moi une semaine ya vacances qu'on attend deux semaines parani nya tombe la musabi parani nya kotinda mwana na ya mwasi na ndako a Félix a kende konje une semaine lokola boyebi deja ki asi a sala mbeba na kati ya famille papa nini mama nini ya kolinga ke mwana na ye a kende konje na ndako a Félix ya une semaine un mois Denise azalate Denise na konje otinde mwana na yo na ndako a Félix yo moko yebi suite. Ce qui est suite, c'est que tu as dit que Félix a été Sabino. A mon amour, alors, excusez-moi. Le dialogue est basé sur ça. Tout le monde a dit que tout le monde a dit que consulter Nani. Tellement que le cannabis est aventurier, basé et belé. On ne sait pas qui consulte qui. Félix azo benga bato azo consulter bango. Bato azo consulter bango pe bazo consulter bato na bango. Église catholique consulté par Félix. Kabila consulté par Église catholique. Félix consulte Sassou. Fayoulou consulté par Sassou. Mais tozo comprendre te nani azo consulter nani. Alors au finish consultation exacte. Au finish, consultation est athée. Parce que Moutounions a consulté Moutounions. Et consultation, au Yobazali Kokende, soukanango est allé wapi. Vidéo n'a pas été le lopoto lobake. En réalité, Félix a yambi Église catholique. A yabisi bango pardon. Boyebi ke papa le ki na ngai azala ki sango lokola bino. Boyo ke la ngai mawa. Naza na difficulté na Kabila. Na sumuki. bokende ko bonde langa Kabila pardon. Parce que Kabila zayi déterminé. Kabila ba consultation ba deal na bango basalaki. Lelo oyo to mona soso ba idiot oyo ba bandai ko ya ko finga biso ke deal ezate. Banda to banda to okende mbula mi balé. Mokolo liboso deal salema. Moi je vous ai dit vidéo ezali. Avant proclamation, il y a résultat, il y a élection. Cinq jours avant, l'élection est programmée le 10, le 5, vidéo est allée na Facebook, na YouTube. À cette époque-là, je n'utilisais pas YouTube. Vidéo est allée le 5, sur Bokeh, le 5 février. Cinq jours avant publication, résultat, il y a élection. Na salaki vidéo na Facebook, na lobaki na moment oyo. Nenge tozo sur la boyenga ina bino. Félix Kamere na batumusu bazali na kinga kati. Bon, bazali e pa Kabila. Bazali ko sala deal. Kabila zo pesa Félix pouvoir. Na lobaki yango. Mais boyebi komes ke na finga maki. Boyebin soki bokeyi na video na bokomona comment est-ce que na finga maki lelo wapi ba idio wana nyonso ba finga kingai di les ate biso tozo persister di les ale lelo eyeko bima na poisa di les ale Kabila lobi di lwana basinyaki kaka bango mibale na Felix te ba témoin bazalaki ba officier militaire bazalaki ba généraux bazalaki président ya Égypte azalaki butu ayaki président ya Kenya azalaki butu ayaki po bazala ba témoin Kabila avait dépêché avion na ye aller retour butu bazwa ba président wana ba ya na bango po ba assister na signature ya deal. Et l'inkolo ba ke moutou a ko viole di louana ba témoin bazali. Si ko Kabila constate ke Félix a zo viole di l, Kabila fait quoi? Kabila a dépêché ba tounaye ba kenena ba et pa ba témoin wana. Ba yebi sa ba témoin wana. Boyebi di l to salaki, boyebi denge to yokana, tala makambazo sala. Ce qui est yindi, ce qui na betiye, moutou a mon angama bete. Parce que Nazali pembeni ya ko beta ye. Ce que je vous dis, c'est vrai. Alors, Félix Asalini na par na yepe. Yepe atindi batu na ye, ba conseiller na ye, ba kende pa ba témoin wana, ba yebi sa ba témoin wana, qu'est-ce qui se passe? Félix dit, ngana violé deal de. Kabila mouta violé deal. Kabila dit, on a violé deal te, Félix mouta violé deal. Na moment où yo mboka na biso, ezali ya kote lema. Po na ba batar mi balé. Mboka na biso, ezali ya kote lema. Po na ba batar mi balé. Na lobi bien, je répète. Mo wana na banda kota ngango ba, nana zaki na école primaire. Na yebi ke signifi batar. Na lobi ba batar mi balé. Ba kangi mboka na biso na otage. Ba kangi ekonomi na biso. Ba kangi finance na biso. Ba kangi politique na biso. Ba kangi sécurité na biso. Ba kangi développement na biso. Ba kangi éducation na biso. Ba kangi makambo nyonso. E le pe ya mbongo yo ozali ko contribuer na ba tax na yo. Ma belé na yo. Ezali ko bimisa ba minere. Le pays ya mbongo wana parce que économie est à côté lema. Moi moke ezali ko ningana. Moi mbongo wana les deux bâtards bazali ko se distribuer yango. Félix azali na 625 000 dollars par mois. Kabila azali na 680 000 dollars par mois. Kabila azali na 2500 militaires bagarde na ye. Bagarde na nyoso banani bazo futa bango. Yo na ngai tozo futa bango. Yo nangayi bozo futa 2500 garde pona Kabila. Me yo nangayi toko yiko fute la bana biso Minerval te. Toko yiko mema bana biso n'hôpital te. Toko yiko tambula te. Toko yiko liate. Toko yiko kendo hôpital te. Na côté, il y a bâtard, sous la présidence. Budget, il y a maison civile. Où est allé famille naïe. Budget, il y a famille naïe. Maison civile. Va dépasser 2000%. Budget, il y a présidence, il y a maison civile, boyebi, et ça 2 millions de dollars. Et bon, on a boyebi que Monseigneur Moulumba, noko ya Félix, babunda, na moisia Félix Denise. Moisia Félix Denise, alinga ki que directeur ya maison civile, wana, et ça l'indeko na ye. Félix a lobité, indeko na ye, il faut ça l'indeko na ngai. Mutakata makambo wana Marthe, la femme de Etienne Tshisekedi wa Moulumba. Aye okata likambwana lobino na maison civile ko tcha ndeko ya mwasi na yote tcha tataleki na yo Monseigneur Moulumba babunda pona 2 millions de dollars ya budget annuel ya maison civile bota budget annuel ezali na 2 millions de dollars soki o utiliser 4 millions de dollars commençons d'abord soki utiliser 2 millions de dollars nyonso na 12 mois ou utiliser budget wana nyonso à 100%. Ceux qui ont commis à 4 millions de dollars ou utiliser budget wana na 200%. Alors, calcul mental. Mets en l'air. Budget wana ezali dépassé. Dépassement wana ezali à 2000%. Bon calculer 2000% pour besoin a utilisé combien? Ou a kende y classe te, a le kan arrangé à gauche. Ou a kende y classe, a kende l'arrangé à droite. Calcul mental, bic en l'air. Ça donne combien? Na go vérifier après. Alors, bozo mouna ke, le deux bâtard, ba kidnappé mbo kanabisu, rien ne bouge. Rien ne bouge, mais tozo mona batu oyo bazali ko kumisa bango. Raïs, mwana mboka. Béton, mwana mboka. Ndeko na ngai ozali ko yeba béton, mwana mboka na raïs, mwana mboka. Ndenge nini bazali ko massacrer mboka na biso. Lelo oyo bakomi ko fundana. Ngate mot na violé, ye mot a violé. Mais tolobaki awa, tolobaki bien. Félix. Soki o sali dil na batu, na moto oyo loba. Toko sove yo. Toko kote la yo. Félix a wangana, wangana, wangana, wangana. Ti lelo batu ba yeko bimisa makambwa dil wane zali kabila muta bimisu yango. Félix na lelo azali toujours na position na yako wangana ke dil ezate. Muyibi ndoki. Moto d'abord soit botami ma be e bosono bolimbi sangai ta yibike be bosono ya solo na ndenge ya ko botama bazali mezana be bosono mususu ya molimo ma be kote li mama na zemi Félix abani ko wangana ko wangana deal ko wangana ko wangana ti lelo Félix azo ko wangana deal wana kabila bimisi deal alors lelo oyo e bebeli bango bandeko bozo ye banasi na sala video na condition nini à cette époque là je pense que l'équipe déjà une année na condition nini congolais à kokote la Félix soki Félix na Kabila e yinde li bango condition ezali ke Félix andi ma di lesali alongwa na di lwana ero wana mais maintenant ezali trop tard akoyi kolongwa na dilte même alongwe na dil to kondimate mabe ici e koti mbeba ici e koti mboka ici e baby akoyi kolongwa so na dil wana te atika la na dil na ye na frère na ye Kabila mais condition na lobaki soki lobaka na biso ne bandeli bandeko nga na mona ye ke soki na pusani pembeni ya moto oyo na koti na ye na koyi ko changer makambo na monike moye ezate na bimi tala makambo to yokananga na ye boya bo sunganga ye c'était la condition oyo to koyi ko aider Félix mais andima ki condition na biso anate aboya ki ye moko ta lobinga na Kabila to ko kabwana to ngana Kabila to ko kabwana to bino bozali ba nyangala kata bino bozali ba ndoki nani abosani kindoki o Félix akanga biso nana bosa nini ya kinyangala kata o Félix afinga biso aboya ki afinga biso banyangala kata bandoki pona nini pona frère na ye kabila n'est-ce pas e mutu na ye kabunda lobaki nini soki bomoni mutu azolobela pepper de se kazali ndoki kabunda yipsa biso bongote soki bomoni mutu azolobela kabila se kazali ndoki alors lelo oyo botikala na position na bino congolais akoki kokotela Félix te donc e Félix e kabila bango mibale il faut ba dégager ça va barder nayebisaki bino na vidéo oyo eleki avant je pense avant-hier j'avais dit entre Félix na kabila moko na bango akokufa nayebisaki bino na loti nalotaka une fois par an peut-être après deux ans mbala moko nalotaka pa mpamba te soki na loti oyo na loti c'est ce qui se fait Félix na kabila moko akokufa ndoto na loti Félix va faire tuer kabila bato a kabila ba généraux a kabila bandeko a kabila bako massacrer famille ya Félix et Félix va s'exiler nalobaki yango nazo répéter yango nayebi pourquoi nazo répéter yango comme congolais azali poltron oyo nyonso bozobenga bapoliticien bazali bapoliticien te bazali bescro bazali bescro soki eyindi bango nyonso bakobatama na batoilette na bango bokomona motu moko ta kotombola motu ça sera la même chose mokolo Laurent Désiré Kabila nani mokolo Mobutu akimaka bapoliticien nyonso bazalaki na Kinshasa tomonaki nani po aya atelema alobaki non mboko ezali ya biso azwa bokonzi batikaki Laurent Désiré Kabila akota na bata babot après Laurent Désiré Kabila mokolo babomaki ye politicien nini atelemaki atombola motu na courage azwa pouvoir mokote bango nyonso baetiene Tshisekedi bango nyonso babatamaki na kati ya batoilette motu moko te azwaki pouvoir et ça sera la même chose mokolo bakoboma Kabila Félix va fuir politicien moko te akozwa courage atelema azwa pouvoir et les Rwandais vont continuer toujours bako récupérer pouvoir na bango comme toujours bako continuer parce qu'il n'y a pas un courageux na mboka na biso parmi ba politiciens alors et biso responsabilité na biso ezali nini biso responsabilité ezali que to conscientiser toujours peuple na biso pour que ba comprendre que ba tie biso na mbeba ya kosakana te ba comprendre que mutu moko ta koyoka sauver mboka na biso soki biso moko to telemi pona mboka na biso te ba comprendre que kobanga ezali mabe kobanga air moko koyoka aide yo la paix peut sauver mais la paix ezali eloko mabe o ebebi sakabatu parce que soki ozobanga mabe yango moni loba na loba kango memba batu bavana na diaspora mutu avai na diaspora ki se di avai na mboka ya demokrasi avai na mboka ya etat de droit avai na mboka ya libre expression me azobanga kolobela bamiluvor nakoloba na ngai te bamiluvor baya koatake ngai nakoloba na ngai te bamiluvor même ce qui se disent bacombattant nakosala boye te bamiluvor baya koatake ngai naboyi bamiluvor donc na kati ya ndako na yo ozobanga bamiluvor voilà mission na biso responsabilité na biso ya kolongola bato pere wana kobanga wana motu moko akosala eloko aza te mboka oyo ezali mboka ya kabila te ezali mboka ya Tshisekedi te ezali mboka ya yo ya ngai ya motu nyonso mabe soki ezali ifu kolobela yango ifu kotelema kolobela yango responsabilité ya koloba mpona mboka ezali ya groupe moko te ezali ya bato ya kotanga te ezali ya bato nyonso motu nyonso na niveau na yo ozali partout ozali zwa responsabilité na yo telema loba mpona mboka na yo parce que vous ne pouvez pas croire salaire ya président États-Unis ezali combien salaire ya président États-Unis ezali combien ba salaire ya ba président ya monde nakoki kotya ngo na Facebook na ngai bokomona yango Un président a besoin 625 000 dollars par mois pour na musalanini. Musalanini oh Félix a zo sala yemo ka ebisi bino ke ala la kana tongo ala mukaka ba après-midi. Siko musala o oh, bazo futela ye 625 000 dollars ezali musalanini. Musalanini maison civile na présidence bazali ko sala pona mboka na biso pour que ba dépasser budget ya 2000%. Musalanini. Musalanini kabila zali ko sala pona mboka na biso ba pesa ye salaire ya 680 000 dollars par mois. Kabila zali nani? Ba garde ye po ba kengela ye 2500 gardes. Po ba kengela ye azali nani? E ba militaire wana nyonso bazali kozwa salaire chaque mois, ba prime na bango ezali. Ezali ko la ba militaire na biso musute ya FARDC. Ezali ko la ba policier na biso te. Le militaire o bazali affecté pa Kabila. D'abord ba militaire wana ye moka uta na bango isika uta na bango ngana yoto yebite. Mais bazali na salaire chaque mois 2500 militaires bazali na salaire chaque mois en dollars bafuta ka bango baliaka 3 fois par jour bazali na ba prime na bango Kabila na Félix musala nini bazostala na mboko yo. Moi je vous dirai que ko banda famille ya Félix banda papa na ye ti na ye moko dites-moi musala nini Félix na papa na ye basala oyo ba contribuer na tax na mboka na biso ke no famille oyo ba contribuer belé na tax soki pe ba lembongo ya mboka za mabete Tshisekedi banda bota ma escroquerie afuta tax te ndako oyo Tshisekedi a uti kokufa na kokufela kokufa nango asomba yango ya na combien ezale ndako a air zayi ba botola ko botola nana la kisanga mutu oyo etsika Etienne Tshisekedi mulumba somba ndako na limité la 10e rue asomba e baya nani. Ezali ba bien il y a l'état bien mal acquis. Tu sais que le mulumba n'a jamais payé les taxes. Moi là tu sais que le moko afuta taxe te. Moi là tu sais que le moko sala musala te pour afuta taxe. Et Kabila de même, Kabila évolue à l'extérieur. Kabila si afuta taxe na mboka na biso. Mais pourquoi bazali batumoko spécial que ba réserver salaire ya ndengwana na mboka oyo ezali ko souffrir. Président ya Corée du Sud salaire na ye 13 000 dollars. Président ya Corée du Sud salaire na ye 13 000 dollars. Mais ezali mboka oyo ezali na mbongo ebele. Corée du Sud ba koyoka cha salaire à président même na 1 million de dollars. Corée du Sud a souffrir dans côté. Mais salaire à président, 13 000 dollars. Et 13 000 dollars, wana, président a kata salaire na ye la moitié. Azwaka 6 500 dollars. Les 6 500 dollars, et tikali, a tchaya mwana ba bourse d'études na bana oya ba bola. Maman Félix a un salaire. Moi, c'est Félix a un salaire. Bana ya Félix a un salaire. Bande quoi Félix a un salaire. Yemoko 625 000 dollars. Yemoko na présidence mbongo elikate. Réserve ya mboka nyon soit silici. Même si to linga famille yango. Même si famille wana ezali famille o e bâtir état congolais. Même si famille wana ezali famille o e découvrir mboka ya Congo. Même si famille wana ezali famille o e sauver Congo soki na catastrophe ni bandeko. Tina niveau wana? Tina niveau wana? Alors, voilà eloko tolinga ki toloba lelo que Félix pour consultation na ye ezali diversion. Ezali pona ko distraire peuple. Problème ezali wana te. Na batu oyo bazali ko kende consultation pa ya Félix. Vraiment mutu o azana courage azate ya ko yebisa Félix que en réalité le vrai problème c'est lui-même Félix. Parce que ye moko azali ki yungu azo yebate. Alors, il faut mutu oyo ya courage aye bisaye que non ozo consulter pour crise zali. Mais la crise c'est toi-même. Crise zali ye moko parce que ce qui a dit magadilte. Ce qui a qui makabaninga na yete beskrom sou soit qui makabangote na Genève. Andi makadil wana te, mais les crises o lelo ezate, mais lelo kabila linga iko suka. Na Congo na biso boyebi ke Congolais alobaka ayebisa Congolais vérité te. Congolais alobaka vérité te. Congolais aza flatter. Congolais aza mutu babenga katem malingala nini. Matolo. Congolais aza flatter. Congolais omona même o sala mabe o royo akaka o sala mala ma prof vraiment et loko lobi wana eza solo nandimi yo vraiment ba ko baluka na sima abi e loko lobi wana eza ndeko na kanga ndeko na nga moko ki se din ndeko na nga. Parce qu'au fait, pe na tango na banani ko lata ba coupe ma dofolo. Na tango na zokeni na classe na tricot moko. Inane tricot moko. Inane na zosukula ngo na butu. Na lali mutakala na sukuli ngo na butu na lali mutakala. Lobi na tongo tricot ana ekaoki ekaoki te na zo lata na ke classe. Na zo lata ba pantalon ma dofolo mi balé na sima. Non, c'est mon frère. Non, non, Azali, noko nangai. Non, non, Azali, cousin nangai. Mais hélas, les lots, nous avons un déco. Et chaque jour, chaque semaine, je découvre un membre de la famille Nangamoko. Azobima. Chaque semaine. Congolais alobaka vérité na moninga na yete. Ngai so salinga mabe, je te dis ça en face. Soki bokutani un jour, soki bozui chance a okutana na bana nga ba websabino. Na ndaku na ngai, soki mwana moko azate, bozolo ba likambu na ye ezala na ndenga malamu. Mais soki ezali na ndenga mabe, asala ki botetete, bozela yaya. Soki bosali ndenga d'abord esala makasote katana parce que nazalaka, soki bolobi. Koko makaka mwana wana zo koma. Nazoba ah to bandai koloba pona yo yena yena ngai na ye to bandai koloba yo olobaki boyo salaki boye. Alors pona ko éviter ba conflit na kati ya ndaku biloko neza la sauté ndaku nanga bana nga ba koma direct kaka na misu na yo papa mwana pa mama ye asalaki boye ye alobaki boye ye akendaki boye. Des gens qui se disent azandeko. Mais il y a un gars là qui s'appelle ce qui journaliste, ce qui le flatteur là, ce qui na Liège, ce qui wapia ça na Belgique, l'agent de la NER. Ndekonangai qui se dit Ndekonangai a kei kokutana naye négocier à mon nom. Ngana yebe le côté. Non, il faut pas négocier pour moi. Nazam makamba négocier na moto mon côté. Le frère là, c'est un petit garçon. Ye moka miyebi. Na motema na ya miyebi, c'est un petit garçon. Ako koma même na cheville na ngati. Congolais soto zaï na likambu, tolo banaka ba vérité. Yangwe zo bo mabiso. Boko kende bo yebi ke mboke za na crise. Batu bazo liate, mboke zo marchete, misale ezate, basalere ezate. Mboke za malamu te. Mboke telemi po na bato mi bale kabila na Félix. Mais il y a Félix à Bengi Sebino. Dites-lui de vérité que la crise en réalité c'est toi. Agobo Mayote. Yebi ça y est, crise oyo. Yo zo lo ba consultation sur anabatu. Congolais entre nous, on n'a pas de problème. Que non Congolais tokutana, ba Congolais bazana conflit na Bengi Sabango na yo ka ba vie na bango pour que to ça la réconciliation. Non, Congolais entre nous, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème. Moi, ba nungu muke ezali entre Congolais na Milouvor parce que ba Milouvor bazo kanisa baza supérieur par rapport à batu msusu. Ba Milouvor bazo kanisa ke mboka oyo bakoyi ko tcha même makaku, bakoyi ko tcha même kiyungu, même idiot moko bakoyi ko tcha na présidence, il faut l'accepter parce qu'azali Milouvor. C'est ça le petit problème qu'on a. Mais il y a que le bakeno crise et zali, mais la crise s'appelle Félix. La crise au Congo s'appelle Félix. Ce qui crise wana Félix, c'est pour résoudre un côté. Si ce n'est pas résolu, cette crise-là, Félix, pour ça le côté. Pour que les citoyens, moko, 100 millions, nous va congolais, yé. Mais si cette crise, Félix, n'est pas résolue, situation est à dingue moko. Si cette crise qui s'appelle Kabila n'est pas résolue, et le comment va changer. Alors, la crise, il faut la résoudre au même moment. Exacte que tout résout des crises oyo après oyo et qu'on simbate. Nous avons deux crises qui s'appellent Félix Kabila. Il faut qu'on résoudre dans mon ambala moko. Mais tout le monde a ébité. Nous allons Jésus salabatu na Congo na ébité. Na basango oyo biso to foute la kabino bambongo na biso ba dim na mabonza. Et d'ailleurs, vous voyez que Basango, Tokin Tozonga, l'Église catholique n'a jamais fait quelque chose de bon en Bokana Bissau. C'est cette Église catholique où il y a eu depuis la culture Nabissau. C'est cette Église catholique qui a été utilisée dans la colonne pour neutraliser Bissau. C'est cette Église catholique qui a été toujours dans le service de renseignement pour soutenir Mobutu. C'est cette église catholique, à tout moment, il y a l'église catholique, à tout moment. Mais pour moi, on a une bande, Mais par la suite, vous allez voir, c'est la même église catholique où a coupé sa bâtiment na bango pour que nous la réunion et le dialogue. Bon, moi, je suis à Chole. Il y a Otembi, ce qui est Otembi. Bakouta na Félix, Bakouta na Kabila, Bakomi Mukanda, Bango Bazo envisage ce dialogue pour crise yo et si là. Dans le bas qui est en côté. Cette église accompagne toujours ma ben en bo cannabiso. Mais Bayaka, bon, moi, je suis à Mkoina, Poso, ya Meme. Na min ba langage na bangwana ya malembe wana bozoka ni saka bazola makambalamu. Chaque dialogue na tangwe bandaka na mboka na miso bato ali boso ba ya ko lo église catholique a to lingi dialogue ote to lingi biloko ote yango etindaka na ko partage ba pouvoir boko mona kaka la même église catholique mutazo pesa bango ba édifice place ya ko sala ba réunion ya dialogue boko mona na suka église catholique mutazo se bo tondima ezali autorité établie. Toujours cette église catholique. Toujours cette église catholique. Est-ce que vraiment, Félix Moutalé, sa église catholique, Lélo, Otembi, Nab, Chole, tout, consort. Pourquoi qu'il y ait un peu de temps, Félix Moutalé, non, la crise en réalité, c'est l'IO. Pourquoi pas Kabila, vous voyez, c'est qu'en réalité, la crise, c'est toi. Binomi Balé, vous allez crise. Binomi Balé, Boza la pembeni. Bako yiko sala ngote vraiment. Ko yiko sala ngote. Franchement. Et comme tozo la makambe église, na kosili sa place wana, na ebite bande ko soki bozali ko sere, bozali ko yeba, un jour, na sala ki video, moko na ebisa ki bino ke, na manolo wa makamba pasteur, ba pasteur na biso ba bomaka biso pasteur ko iko lo baso bo sakani na ko sangisa mapatana mabele na sangisa ngo bo kufa na yebi maloba wana lobama un pasteur l'a dit na sayo na kasavubu église a sayo na kasavubu a loba yango et na tango na bandai ko sala live ya des gens o ba reconnaissa ki maloba wana ba témoigna ki yango. Et voilà, une semaine avant, je pense deux semaines, je reçois une lettre. Une longue lettre, peut-être il y a 12 pages. Lettre wana muta komelinga yango, ezali monsieur Sami Diangenda. Monsieur Samy Diangenda Komelinga, lettre, il y a 12 pages. Et d'abord, Natango Nalobaki Kamana Sitaki Papa Nayete. Nalobaki in église. Na sayo église za combien na Kasavubu. Monsieur Samy Diangenda a reconnaître qu'ezali papa na ye. Et pourtant, na lobaki komba papa na yete. Oh gosh. Excusez-moi. Et pourtant, na lobaki kombo ya papa na yete, na lobaki kombo église na bangote. Je n'avais pas cité l'église kimbangiste. Ezali ko la libanga na molili. O alobi ay, ezali ye. Mais c'est Samy Diangenda m'écrit une longue lettre. Oh voilà, l'église qui m'a dit, basala boye. Mais moi, je ne refuse pas. Nalobakango, n'attends pas que moi, l'église, oyo basala a quand même, moi, ma kambalam, oh basala, le kola, ba mokunate. Et zali, l'église, oh basali, na ba réalisation sur terrain. Même chez moi, au village, chez moi, il y a une église qui m'a dit. Qui a été construite en réalité dans Mbongo, il y a Kimbangiste. Ils ont construit dans Bandimi, ils ont contribué, ils ont construit l'église. Mais ils ont une idée de l'église Kimbangiste, il faut qu'on félicite. L'église catholique, l'église protestante. Ils ont été œuvres dans Mbongo, ils ont été encouragés. Mais ça ne signifie pas que ça a été visé à la Mabé. Mais Toloba, Simon Kimbangwa, il y a un problème. Il y a un problème dans le Tolobaka. Il faut que tu te le mettes dans le valeur. Dans le Tolobaka, il y a Tshisekedi. Moi, je suis Tshisekedi dans la Tshisekedi. Tant qu'il y a une hypothèse que Tshisekedi dans la Kimayele, ça ne signifie pas que moi, je suis dans la Tshisekedi. Voilà. Kizengi, il y a une famille Tshisekedi. Bana ngai soki nazali zoba bana nga baza bazoba te na bana nga bana mayele bakoyikozala Mobutu soki azalaki courage ça ne signifie pas bana Mobutu pe baza courage combien bazoko kate ko tenza même impère yango Bemba Saolona ça ne signifie pas que azalaki lika mumalamu mwana ye pe akosala lika mumalamu yango mabe ezo bebisa mboka na biso bakongole bakanza pasteur. Molimo eza epa na ye, yango pe eza epa mwasi na ye, yango pe eza epa bana na ye, yango pe eza epa bamakango na ye. Ya de se ki se revandik na bimanga na pastero, na loko la pastero na za molimo, nga pe molimo a pastero na za nango. Simon Kimbangu azala ki un envoyé de Dieu, azala ki serviteur de Dieu. Ça ne signifie pas que Simon Kimbangu loko la azala ki serviteur de Dieu, bana Simon Kimbangu pe baza ba serviteur de Dieu, lukuta, mi yibi, bandoki. Simon Kimbangu, ngai nazwa ba témoignage na ye. Na kenda na Rishi, na Moscou, na Yoka, na Congolais, te na nante, na Rishi. Un Rishi qui m'a parlé de ngai Congolais, ngai. Maka mususu ya Simon Kimbangu, na keko yoke lango na Rishi. O nga na yeba ki angote. Yesu azala ki mwana nzambe nenge balobaka. Marie azalaki mwana na nzambe te na sens ya Yesu. Joseph azalaki mwana na nzambe te na sens ya Yesu. Et pa na biso ba congolais soki pasteur azali pasteur, bana na yepe baza ba pasteur, mwasi na yepe pasteur, ba makangu na ye nyoso ba pasteur, ba ujana na ye ba pasteur. Simon Kimbangu était un envoyé de Dieu, un serviteur de Dieu. Bana Simon Kimbangu bazali miyipi bandoki. Kobana na diangenda. Et là, je m'adresse à M. Samy. Bata ko intimide, za lokola ngate. Peut-être c'est mal me connaître. C'est mal me connaître. Bana estime Kimbangu. Na tango ba remarquer que papa na bango azalaki un envoyé de Dieu. Balinga ki everyone ezal. D'abord, Simon Kimbangu n'a pas laissé une église kimbangiste. Simon Kimbangu n'a pas laissé une église. Alors, banana ye, balinga ki, ba ye na escroqueri ke, ba prouve na batu ke, molimo o ezala ki epa ya papa, yango pe ezali epa na bango. C'est comme l'église, il y a Sikatenda. Moi, je connais Sikatenda, il y a des Jacques. Sikatenda, il y a des Jacques travaillaient pour Dieu, na yebi. Na bané aucune église wana. Mais Sikatenda, il y a des Jacques qui n'attendent pas koufi. Moi, na na ye veut remplacer le papa. Azala na moli, mo pendenge papa, azala ki na mo. Qu'est-ce que l'enfant a fait? L'enfant a fait que Simba. Pour approuver na batou ke moli, mo ezala ki na papa, yango pe ezala ipa na ye. C'est la même chose avec Mbiye. Si Mbiye travaillait pour Dieu, à l'embi, moi, je vais prouver na batouke, mon limo Israël qui n'est pas papa, yango pe Israël pas naye. C'est pareil avec les enfants de Simon Kimbangu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils ont signé magie pour qu'ils ne prouvent na batou, mon limo Israël qui n'est pas ya papa, yango pe Israël pas ya bana. Or, c'est faux. C'est faux. Alors, M. Sami Diangenda m'envoie une longue lettre de 12 pages. Il y a intimidation. Ma ebisi est bon. Avant d'en répondre, moto oyo, parce que ngai, moi je suis un chercheur. Je ne les connaissais pas. Na monika la lettre, Sami Diangenda, blablabla. Une longue lettre là, j'ai donné à une étudiante à Tanga, à résumer qu'est-ce qu'elle a dit. L'étudiante me dit intimidation. D'abord, vérifiez-moi d'abord la personne c'est qui. Bah vérifier pour y a Sami Diangenda Mutakala. Sami Diangenda Mutakala akeko mamouanize mwasi ya batunandako. Avec un petit sous-vêtement ya couleur bleue, je pense. Et je demande à ces étudiants, vérifiez bien sur les alliés. Oui, prof, c'est lui. Moutoazo ya kopesa nga moral na lettre na ye ya 12 pages. Il faut qu'on zala sérieux pour na koloba makambu wana, ozali professeur, zala sérieux, zala sérieux. Je suis sérieux na tango na zolo bake, molimo o ezala ki epa Simon Kimbangu, ezali molimo wana ezala ki epa Diangenda te. Je donne ma tête à couper. Voilà la personne qui m'envoie une lettre de 12 pages. Nzokande yemoko akena ko coucher basi ya batu. Bakanga ye na mwasi ya batu. Na caleçon, na ndako, na chambre. Na salon te. Keno bakangi ye na salon, na mwasi ya batu. Na chambre, na caleçon. Caleçon la pe balati saki ye. Po quand même sexe na ye bon quand même pider bana bakoy ko tala video wana azala ki na caleçon te ni Adam donc Sami Diangenda Adam voilà bato oyo bazoya na moral bana ya yaonga na lobaka na mboka na biso. Cette histoire ya culte ya personnalité na culte ya culte ya ba famille il faut ici là. Moi, na kasavu baza kasavu bote. Moi, na chiseke di aza chiseke di te. Moi, na lumumba aza lumumba te. Moi, na kamitatu aza kamitatu te. Moi, na Simon Kimbangu aza Simon Kimbangu te. Moi, na yombi aza yombi te. C'est ce qui détruit notre pays. Peuple na biso, bazali batu ya ndengenini. Ce qui va moni Sami Diangenda bazo lenga. Basi bazo ke nekolongo la bakaleson, excusez-moi. Parce qu'il faut dire certaines vérités. Parce que bazo kanisa ke mo limo o ezala ki epa ya Simon Kimbangu, yango pe eza epa Sami Diangenda. Mama longo la kaleson, mama longo li. E nakati ya video la soki bolandi yango, nako tcha yango. So da si se mission, na zo tcha video wana na Facebook bozo mon yango. Mwa si wana zo detaye. Ye Sami Diangenda. Azo yebisa ye bana ya Simon Kimbangu nyonso bazana ba makango. Alobi, mwana Simon Kimbangu tel na Canada, makango na ye kombo na ye tel. Mwana Simon Kimbangu kombo boy na France, makango na ye kombo boy. Et pourtant bazali ba marié. Bazali na basi na bana. Mais bazali na ba makango. C'est ça le modèle. Ya leader, même leader ya église. Tozarako besoin na Congo, batako pesa bato moral bangwana. Je pense que M. Sami Diengenda a raté une occasion de se taire. C'est un idiot. Oui, lit nangai na lobakango, parmi lit nangai ezali, culte yaba famille. Il faut ici là dans mboka na biso. Il faut ici là. Et si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez Kabila que vous avez dit que vous avez dit crise, Kabila. Tshisekedi atike li biso kisimbi na ye. Crise, Tshisekedi. Soki botali Bemba, Saolona, atike li biso mwana na ye. Crise, Bemba. Soki botali Kamitatu, atike li biso Metis na ya kenoko lokota soki na mboka nini. Crise. Donc, bana wana, bana ya, toujours bango. Mboka bino mokanisaka nzamba yebisaka alobelaka bato na ndenge nini na yebite bakongolese oyebwa sambela ya solo so ya solo te nzamba alobelaka bato na bafaso ebele peut-être bomona nano monsieur yombi na bible te bokondima makambo yombi aoloba te mais boyebi ndenge nini ke c'est Dieu qui parle na kati na ye mabe ya kongole yango wana Kongola kondima alanda mutulokola Sami Diengenda. Parce que azali mwana ya Simon Kimbangu. Soki ya Diengenda. Et pourtant, azali bateke bazabe escro. Ko sala makamu malamu, ya niko bateke okoyiko za escro te. Batupe ba sala makamu malamu bazali. Katumbi ya escroke l'argent du pays na katanga kuna gouverneur. Esi katumbi ya sala makamu malamu te, katumbi azoka bula baloso te. Azoka bula baloso, azoka bula biloka olia, azoka bula. Mais scro baza bongo Kabila escroqué moi si na yazo kabula bilo akoliate Mbongo Félix azo escroqué Denise azo kabula bilo akoliate Il faut qu'on a un niveau moko qu'on a na analyse comprendre que mutu oyo même ayeli ye ayelinga sac ya Mungu na ye même ayelinga verre ya Mungu na ye c'est un escroc Bon voilà mes chers amis merci beaucoup pour la journée à l'élo. Abonnez-vous. Ah, il y a quelqu'un qui m'a donné un devoir que à tout moment ce qui oyé ba photo tchaka na sima il faut kolobela kango pour to comprendre za occasion ni. Bon, na sima na ngai abatu bazala Facebook bo mona te ezali na YouTube na sima na ngai c'est moi-même bozo mona kuna na noir ngamo opena za mwindu et ezali na kati auditoire. Je pense que ça, c'est Ezali, je pense, banaya maîtrise. Hein? Oui, oui. Banaya maîtrise. Nazali liboso na bango, nazo tangisa. Cuisinier. Donc, on a bete la bango sauce ya milou mélangé à la moambe. Béton. Béton, on va le faire béton. O kokate. Bande kona biso ba koreye ba lembi na mikanda ya ba milouvor. Ah, o prof andenge nini. Prof, tala prof mso. Kasi bolongo langa iti. Soki vrema bozali, bolongo langa iti. Po nazali prof te, bolongo langa iti kasi. Bozo kokate po nani. Bolongo langa iti. Na kati wana bomoni bano nyonso banda ya liboso kuna ti o alati chemise ya bleu. Na kati wana mutaba ndundu azate, muyaka azate. Na kati wana o ngwandista azate, o boya azate, bango nyonso. Vrema, bato nyonso bomoni na mindele, na baziatiki. Vrema bako yiko tika, baparana bango bako tika bano, tala ndenge bavandi, sui bazolanda. Tozo beta mazaya. Ha, wana yoka kapenza donk mazaya. Ha. Ba milouvor, batamboli, beton. Ba mwani ke mwaye zate. Batu na milouvor na bangwa avanda na Kore pendant 35 ans. 35 ans sans mukanda. Azape nanda kute. Oh non. Tosa nini, kadiosha. aza cuisinier. Ah, aza cuisinier. Bah que récupérer photo nanga moko na kati ya Facebook, nanga moko na kanga photo na tia na face photo nangai cuisinier. Ye muta ebi sabino ke ngai nazali cuisinier na lami la ba refugié na Corée. Botu na kayete ye moko asala msalani. Soki bo moni maboko na ye. Elephant kuto akosa. Donc ye a pikulaka ba bouton na ba boulon na ba usine na maboko. 35 ans sans visa. Mwasi akima ye. Une très belle femme. Moni bande kona biso er moka basi erreur pe sale maka. Po mutu nyonso, je vous assure, mutu nyonso o ayebi milovoro wana. Soki cheche, soki cheche za la mboka kore. Akoma kore devant, avant biso. 35 ans na kore, azana visa humanitaire. Azana visa humanitaire. 35 ans. Ayeko boti sa, une très belle femme. Moutou nyon so kore nyon so so a moni mwasi wana. A tali moutou wana. A tout na kaka ndeko nabiso a mwasi oyo. Ndeko erer ni. Erer ni salama poli nga moutou yo. Bo bo yebi ba ndeko nabiso baka sayen er ni mwogo baza la grabilo mwoko ya milili mingi ya. Paske nga alo bakango, moutou nyon sa alo bakango. Notre sœur est tombée na moutou wana izala ki eloka molimo. Moutou mo kwabu. Eloka molimo. Paske ndeko ya mwasi boye penza ye ndeko wana koyiko linga yete. Jamais. Ako pousa ata pembenite. Une très belle femme, intelligente. Bon, ezali erreur, ndeko ya yiko comprendre mwana sima. A longwa pene erreur wana, cette notre chère évolue très bien. Azo salam salam na ye très bien. Na esika vandi na kartia vandi, même autorité ya kartia nini ya province esika vandi, ba respecta ka ye. Ba organisation yon so ba respecta ka ye. Me ye mobali, abala, mwasi mwasosu. Banda bakabala le toki na soki na 15 ans mwasi akima na ye ko beta mwasi ma tutu. Le premier jour que j'ai vu cette femme na bureau moko organisation na banayi ko sala, cette femme est venue mi sue vimbi ma tutu. Nini okwe camion accident? Non, mobali abeti ngai hein na mboka Kore ba Kore ba benga la police. C'est moi qui ai demandé na ba Kore pardon bo benga la police. Soki bo benga la police ndeko azana ero na kutu visa humanitaire ngwa azala ki na ngote. So bo bengi la police, ndeko owa ko soko na immigration. So a soko na immigration, bako refuleye. Solisyo ezaka kusenga kana ndeko oyo, a benda nzoto. Azala ye moko. Ndeko a benda nzoto, azwa mwana ye, a benda nzoto a vanda. Mais l'autre, le garçon, toujours comme ça, kenda ko loba loba kaka. Na ebi ke stress eleki makasi. A je pousani, eloko moko te, ezali ndeko na beta lisolo mkolo msusu nazala ki en plein une télévision nationale KBS azali ko filmer ngai na balabala tozo katsa en plein tournage na katsa balabala ndeko aye akota na katsa kamera ono yombi aza grand frère na ngai ngape na za journaliste soki boza na besoin na ngai bozwa numero nga bo benga ngai tokamwe et directeur programme a vu mais bah quand t'as caboyété quand même les caméras toujours filmées et par la suite j'ai dit bon ndeko oyo azana makambu na mutu bokata séquence wana bokata yango bola ki sa yango te donc voilà source ya cuisinier ou ta ipande ko ana avandi na kore awa 35 ans akoma na moko 35 ans soki botunier même $1,000 pa bazana ngote wa che tembe kombo na ye cheche ndeko na ye même na kishasa bovani so bo che tembe ati ndela bino ata visa na ye azala visa nini mutu nyoso mupanyo sa vani na Kore so azimu kanda elo ali bose za nini a voyager ke ne ko mon États-Unis a voyager ke ne ko mon Europe a voyager ke ne ko mon Australie botu na ndeko wana ezala na Bangkok ya pamba sia koma banda kota na Kore 35 ans wana mukande za ata ko bima na mukanda nini. Kobimazo bima kozo aller sans retour a kozonga te. Alors soki azali na bandeko na bino parce que bandeko na ye o babenga kinga ye bazana na Londres. Il semblait azana petit frère na ye azana Londres. Et na yebisaki bandeko na petit frère na yana pona ko tester ke ndeko na yo aza stable na mboka Kore lokola ngai. Yebisa ya vacances na Londres. Mukolo ya vacances na Londres. jour ango na zo luka singa na zo mi diembika. Ti Jésus a koya, a okoma kuna te. So a komi kuna loba bima na mboka kore, a zonga na Congo, après si ko ya voyager, problème ya te. Mendenga vandi na mboka na kore, a kokoma te. Eza la Bangkok a pamba kokoma te. A la ki sa yata foto, eza la Japon. Japon koutu na kore, so ke pusano ke na, na, na, na, na, na Kyoto. C'est 45 minutes d'avion. A komata Japon a pamba ya kozonga na kore total. Mais, Monsieur Yombi se kwenda vutuka. Monsieur Yombi se kwenda vutuka. Imaginez-vous un noir, un Congolais noir africain qui voyage mamboka na kwa États-Unis sans visa. Ba Canada sans visa. Europe sans visa. Australie sans visa. Nouvelle-Zélande sans visa. Alors vous demandez vous même tout à temps pour la ndengenini. Azali ndengenini. Na se amite ma bayebi. Qui est ce monsieur bayebi? Bayebi, mais tellement, na province, na bisona, bandimakate, bandimakato. Merci beaucoup. Et na bosana ki point ya souka, ya bandoki. Vraiment, il faut que vous ayez sorcier. Bolobi, monsieur Mbanda, azali ndoki. Monsieur Mbanda, azali boye. Terminator. Mais, kindoki ezali nini? Kindoki ezali ko boya monsieur Mbanda, parce que monsieur Mbanda travaille avec Mobutu. Mais kondima Yesu kitenge. Ou yeza kindokite. Ba milouvor, ba ngon, soko lomika komba mbanda, même alala ki, na balabala te, mi na balabala na ye, belelika ka mbanda, ako sirsote, loko la moni diabolo. Po tangi komba mbanda. Mais, po na bango kitenge Yesu, c'est l'homme à respecter, respectable, ah, honorable, qui tenge Yesu. Il faut que vous allez ndoki. Il faut que vous allez vraiment ndoki. Voilà. Merci beaucoup pour aller le bandeko. Tout mêlé, hein? Merci pour l'Olanda Bissot. Merci pour le partage. Bandeko na Facebook et puis bandeko na YouTube. Na remercie Bino Mingi. Et tous allez na cours Kalamingite. Il faut que vous allez. Allez, au revoir, merci, bye.